like an old man. I play my lonely song just like an old man. I play to get along. I got my own style, you got your own style. I got my own style, you got your own style. Dans l'allée tout au fond, à six pieds sous terre. À deux on se morfond, moi j'avais mon style, toi t'avais ton style. Existe-t-il un autre style? Speak my mother tongue, 'cause I got my own style, you got your own style. So, listen, I got my own style, you got your own style. Poussière tous les deux, poussière tous les deux, poussière tous les deux, poussière tous les deux. Existe-t-il un autre style? Au soleil qu'à la pluie, les fenêtres WIB se fichent de la météo. WIB.EU. Bonjour tout le monde, d'abord réveil dans un instant. C'est le réveil du roi qui démarre. On est là avec vous jusqu'à 10h. Bonjour, Jérôme du Standard. Bonjour. Il n'est pas là, il n'est pas là. T'es content hein, pour une fois que c'est pas toi. Ah oui. Ça va, t'arrêtes un peu, tu vas pas commencer. Bonjour Bérénice. Bonjour. Bonjour commandant. Bonjour. Bonjour Aurélie Daridac. Bonjour. Bonjour à vous qui nous rejoignez, qui êtes là. Il est pas là, il est pas là. Je suis content, je suis content. Je vais pouvoir... Non mais c'est vrai, je vais pouvoir engueuler quelqu'un aujourd'hui dès le matin. Voilà. Normalement il arrive sur le film, alors là le fil est cassé. Voilà. Ah c'est terminé. Ça arrive hein. C'est terminé. Envoyez vos messages 3018 par SMS. Non. Dites-lui, c'est honteux. Si dites-lui. Bon, on va parler de quoi? On va parler des musiques préférées, de vos hits préférés en fait. Ah ouais. De tous les temps. Ouais, ouais. De tous les temps. Votre musique préférée. Ah ben on en parle tout à l'heure. Du côté de la météo.

so please come help me out. You got me feeling high and I can't step off the cloud, and I just can't get enough. Boy, I think about it every night and day. I'm addicted, wanna jump inside your love. I wouldn't wanna have it any other way. I'm addicted and I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. Honey got me running like I'm Flojo. Signs a name on my heart with an XO. Love so sweet, got me vexed though. I wanna wish it right back like presto, yes. Meantime, I'll wait for the next time. She come around for a toast to the best time. We LOL back and forth on the text line. She got me fishing for a love, I confess I'm. Something about a smile and a combo. Got me high and I ain't coming down, yo. My heart's pumping out louder than electro. She got me feeling like Mr. Roboto. Oh baby, I can't come down, so please come help me out. Step off the cloud, and I just can't get enough. Boy, I think about it every night and day. I'm addicted, wanna jump inside your love. I wouldn't wanna have it any other way. I'm addicted and I just can't get enough. This is Mega Switch Up. Switch up. Switch up. I just can't switch up. Not sunk in your bed, rock hot, up in your love shot. Not out by your cold shot. I'm stuck in your head. Switch up. Can't stop, won't quit, quit making me feel. Give it to me, me. I want it all. Know what I mean? Your love is a dose of ecstasy. Switch up. Addicted, I can't get away from you. Afflicted, I need it, I miss it. Switch up. I want your loving right next to me, and I can't erase you out of my memory. Tiens, je me suis baladé hier dans Namur et j'ai vu des petites ouais. cartes postales où c'est marqué tiens, t'en as marre de ton job étudiant machin ici ah, ça. Oui, j'ai et puis j'ai retourné la carte et en fait eh ben j'ai appris qu'Énergie paye ton cote pendant un an. On vous en parle dans quelques minutes dans Réveil du Roi sur Énergie. On a les frérots de la Vega qui débarquent et puis on vous file un PC portable Asus, c'est toute dernière génération hein, avec MediaMarkt. C'est l'Asus UX305 qu'on vous offre si vous voulez repartir avec ça. Répondez à la question que voici. Alors, avec ce PC Asus, justement, vous pourrez A, surfer plus rapidement sur Internet, ou oui. B, nager en eau trouble. C'est compliqué, hein. Vous envoyez le code PC avec A ou B, hein, en fonction de votre réponse, au 78, et c'est 1€ par SMS envoyé et reçu. Et on vous appelle tout à l'heure, avant 10h, c'est promis. Hier, on recevait Nicolas, qui nous a parlé d'une super application, une application sur le cinéma. Et là, on s'applique avec la séquence « Applique-toi ». Les applications de Nicolas. Bonjour Nico. Bonjour. Salut. Tout le monde. Ça va? Comment vous allez bien? Ça va bien et toi? Oh, Olivier, j'entends ta voix, c'est tu me fais peur. Ouais, ben je préfère avoir ma voix comme ça que des suçons dans le cou comme tu en as. Mais hein. C'est pas des suçons, je me suis cogné au sport, ça va. Ouais, c'est ça. J'avais pas vu. Regarde. Ça va. Attends. Il est tout rouge. C'est ragard les suçons. Hein. Les suçons, on fait pas ça depuis les années 80. Hein. C'est pour ça que je dis que c'est un coup de sport. Bien sûr, ouais. Tourne-toi un peu ta tête. Play quiz movie. Attends, on va prendre une photo. On met ça sur le Facebook de l'émission, la page Réveil du Roi. Tu m'expliques aussi quel sport fait ce genre de marque. Hein. Bah, je vous montrerai la vidéo. Ou quel coach de sport. Exactement. Allez, on y va. Pour l'application. Play quiz movie. Donc jeu, quiz, film. Hein. Si on traduit, on va deviner de quoi on parle. On va parler de cinéma. Ah voilà. C'est une application gratuite, donc c'est important, qui permet de savoir si on a un bon cinéphile ou pas. On a tous, on va souvent au cinéma, etc. Mais parfois, on se dit, est-ce qu'on connaît un petit peu l'histoire du cinéma, les réalisateurs, les producteurs, les acteurs, etc., etc. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer ensemble. D'accord. Moi, je vous ai pris trois questions. Alors, en train de me faire une petite photo. Je vous jure que c'est un coup de sport. Je vous jure que c'est vrai. C'est vrai. Je vous jure. Mais quel sport, dis-nous. Mais je vous expliquerai plus tard. Ok. Bon. Vas-y pour l'application. On a trois questions. J'ai pris trois questions. On va commencer avec Steven Spielberg. Oui. Donc c'est une des questions qu'on peut trouver dans l'application. Ouais. Comment s'appelle le dernier film de Indiana Jones 5? Non, le dernier film de Steven Spielberg. Le bon gros géant. Exactement, bravo. Tu peux jouer, hein, Olivier. T'es pas obligé de regarder. Trop forte. Je suis fan de Spielberg. On parle de Spielberg. Qui a-t-il auditionné pour jouer Indiana Jones? On sait que c'est Harrison Ford qui a joué Indiana Jones. On vient de le dire. Mais qui avait-il auditionné? Il pensait que c'est lui qui allait le faire. Est-ce que c'est Tom Cruise, Tom Selleck ou Kevin Costner? Tom Selleck. Sûrement Tom Selleck. Oui, moi je dirais Tom Selleck. Tom Selleck, bravo. Et enfin, mais il n'a pas été sélectionné. Et enfin, dernière question. On va jouer avec Leonardo DiCaprio. Combien d'Oscars a-t-il? Exactement, il a gagné un Oscar. Ben voilà, donc si c'est des questions plus ou moins faciles, il y en a qui sont un peu plus dures dans l'application. Il y a plus de 1000 questions et c'est fait par catégorie. Sympa. Donc ça s'appelle Play Quiz Movie et c'est une application qui est gratuite. On donne des notes. Ah ben moi je suis fan de ciné, j'ai mis 9 sur 10. Wow. Alors d'un point de vue graphique, c'est un peu pourri, hein, on va pas se mentir. Par contre, les catégories, elles sont nombreuses, les questions sont nombreuses, elles sont un peu compliquées. Moi, j'avais pris des questions un peu plus simples ce matin. Et alors le petit plus, c'est qu'en plus c'est un concept Play Quiz Movie. Donc il y a le movie mais il y a aussi après la musique, etc. etc. Ah, donc c'est sympa. C'est cool. Sympa, c'est cool. 6h-10h, le réveil du roi sur Énergie. Au-delà des orages, je pars en voyage. Mon âme en vent, le cœur éléphant. Je suis parti d'ici pour rencontrer la vie. Sur un rocher, se laisser aller à pas de géant, le cœur éléphant. On prendra notre temps pour découvrir la vie, aimer les gens énormément. Sur les épaules des géants, le cœur éléphant. Sur Énergie, 6h15, l'horoscope. Qui débute avec les balances. Vous apportez de l'originalité dans vos relations sentimentales afin de briser la routine. Scorpion, vous avez une belle opportunité à saisir dans le domaine professionnel aujourd'hui. Une expérience malheureuse pour vous, les Sagittaires, mais ça vous permet d'éviter un problème aujourd'hui. Capricorne, vous avez enfin l'esprit beaucoup plus libre pour vous consacrer à vos amours. Verseau, votre vie amoureuse prend enfin un nouveau départ. Poisson, c'est le moment de faire des projets et de rompre avec des obligations quotidiennes. En famille, les Béliers, de grandes discussions sont à prévoir et vous vous imposez votre vision des choses. Taureau, ne brûlez pas les

Le temps sera généralement sec. Aujourd'hui, on aura de belles éclaircies. Côté température, on aura 18 degrés en Ardennes, 21 degrés du côté de Namur, Charleroi et Ostende, et 22 degrés sur Mons, Bruxelles et Liège. Aussi résistantes au soleil qu'à la pluie, les fenêtres WIB se fichent de la météo. WIB.eu. I won't lie to you. I know he's just not right for you. And you could tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation, and anytime you want it to stop, I know I can treat you better than he can. Second you say you'd like me to, I just wanna give you the loving that you're missing. Baby, just to wake up with you would be everything I need, and this could be so different. Tell me what you want to do. 'Cause I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. De tous les temps. Dans moins de 20 minutes, on en parle. Vous pouvez déjà envoyer le hit que vous voulez, hein, sur la page Facebook de l'émission, la page Laura Veille du Roi. The Chainsmokers, c'est dans un instant sur Energy. Pourquoi tu me regardes comme ça, toi ? Je suis pas contente. Pourquoi ? Parce que je suis pas contente. J'ai appris qu'hier, t'as été au McDonald's. Oui. Grâce à une auditrice qui a publié un message sur la page Facebook Le Réveil du Roi. Oui, alors je voudrais dire, arrêtez de balancer à chaque fois quand je suis quelque part. De un, parce que celle-ci me fait une crise, elle n'est pas contente, elle est fâchée, etc. Alors qu'on m'a dit, sérieusement, on m'a dit, oh Olivier, tu es malade, alors dans les solutions, je te propose un grog avec beaucoup d'alcool. Ouais, mais tu vas pas. J'aime pas l'alcool. Deuxièmement, tu peux faire, alors tu fais chauffer un thé, machin, et tu mets un drap au-dessus. Oh, je me suis dit, ça prend trop de temps, c'est pas possible. Et par contre, troisième solution, on m'a dit, pour soigner ton rhume, tu peux aller au McDo. Non, mais n'importe quoi. Quoi ? N'importe quoi. Non, mais si, je suis pas contente, parce que tous les jours, tu me dis, oui, faut que je fasse mon régime et tout. Alors moi, j'essaye de te motiver, puis après, j'apprends par Thibaut, par un tel que tu vas au McDo, ouais, au Quick, de partout, ouais, en fait. Ouais. D'accord, bah super. Ouais. Je voulais me rapprocher des jeunes, quoi. Ouais, sont près du McDo. Une excuse, en fait. Hein. Ouais. Et puis j'étais là en plein milieu du McDo et je leur ai dit, Energy, paye ton code pendant un an. Ouais. Et puis on en reparlera justement tout à l'heure. Attention, on a le jeu FIFA 2017. FIFA 17 à vous offrir. C'est à gagner dans le jeu de Lefto. Ce sera tout à l'heure à 7h20. Vous avez vu l'avatar de Zidane ou pas? Oui, c'est pas du tout lui, en fait. C'est incroyable. C'est trop bizarre. Non, j'ai pas vu, non. Attends, regarde, on va poster ça sur le Facebook. Je

ça. Just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city and I broke down crying. 4 years, no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar. And I shoulder, pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. The day I met you, I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink 182 song that we beat to death in Tucson. Okay, qu'on va retrouver. Ah oui, Amir, il sera là dans quelques minutes dans la vie du roi sur Énergie. Toutes les photos, puisqu'il était au Énergie Music Tour, se retrouve sur énergie.be. D'ailleurs, je vais vous mettre une petite vidéo avec Amir que j'ai faite, une petite vidéo surprise, tu verras. Qu'est-ce qu'il écoute le matin? Il écoute le réveil du roi. C'est vrai? Ouais. Ah, bah c'est cool. Eh ben, tout est. Donc, elle a balancé tout ce qu'il y avait dans la vidéo. Ouais, mais non, mais tu verras d'autres trucs. Ah, d'accord. Oui. Tu lui as fait le. Bah non. Le bisou? Même pas. Bah oui, ouais, non. Quoi, t'es sorti avec Amir? Ah, ça va pas. Non, bah, je sais pas, je pose la question. Non. Bon, allez, dans un instant, on parle de vos hits préférés, les amis. Vous pouvez nous envoyer vos hits préférés au 3018 par SMS. Et là, c'est Stéphanie qui est avec nous. Bonjour, Steph. Salut, Steph. Pour la Pibox, comment ça va? Ça va. En forme? Oui. T'habites où? À Oulart. C'est où ça, Oulart? Ah oui, région bruxelloise. Oui, c'est à côté de Durkheim. D'accord. Allez, on appelle qui pour la Happy Birthday? On a appelé Lynn pour sa anniversaire qui est normalement demain. Mais bon, voilà, vous voulez faire une surprise. Elle est déjà debout? Oui. D'accord. Oui. Et Lynn, tu veux que je lui parle en premier ou tu lui parles toi? Non, tu peux aller. Allez. Ça va lui faire plaisir. D'accord. Mais elle va me reconnaître directement. Mais je sais pas. Vraiment, je sais pas. Elle écoute le réveil du roi tous les matins? Ben, on essaye tous les matins, oui. C'est pas toujours évident, mais on essaye. Allez, ça sonne. Allô? Eileen, comment ça va? Oui, ça va bien. Ça va, je voulais t'appeler un jour à l'avance pour te souhaiter un bon anniversaire. C'est qui? C'est Olivier Duroy. Non! Mais si, bon anniversaire! Bon anniversaire, Eileen! Ça te fait plaisir, Eileen? Oh ben voilà, elle en pleure. Bichette, non, pleure pas. Voilà, elle en pleure maintenant. Mais moi, je suis désolée, Eileen, je voulais pas te faire pleurer. Merci. En plus, tu vas me mettre les larmes aux yeux, à moi aussi, puis je vais devoir pleurer à la radio, ça va pas. Eileen. Oui. Bon, quelqu'un a voulu souhaiter ton anniversaire. Bon, avec un jour d'avance, c'est sûr, mais te souhaiter ton anniversaire quand même. C'est qui? C'est ma maman ou ma soeur. Momon. Écoute, on lui souhaite un bon anniversaire à ton Momon. Non, c'est pas son anniversaire aujourd'hui. C'est l'anniversaire d'Eileen. Stéphanie, alors vas-y, fais-lui bon anniversaire. Pourquoi tu me perturbes comme ça, Stéphanie? Voilà ma puce. On voulait te faire une surprise un peu hors du commun, comme tu aimes bien Olivier. J'espère que ça te fait plaisir. Et on te souhaite tous un joyeux anniversaire, tous tes proches, ta soeur, ton frère et tout le monde. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui t'écoutent ce matin. Et on te fait un gros bisou. Et Eileen, on voulait te réveiller en te mettant de bonne humeur. On voulait pas te réveiller en te faisant pleurer, ma belle, hein. Alors tu te mets de bonne humeur, d'accord? Oui. Bon, et j'en profite pour souhaiter un bon anniversaire à notre Isa nationale qui fête son anniversaire aujourd'hui aussi. On lui fait plein de gros bisous, Eileen. Plein de gros bisous à toi. Passe une belle journée. Oui, au revoir. Salut, ma belle. Voici Amir sur Énergie. La vidéo d'Amir sur le Facebook de l'émission La Page Le Réveil du Roi. J'ai cherché un sens à mon existence, j'y ai laissé mon innocence, j'ai fini le cœur sans défense, j'ai cherché l'amour et la reconnaissance, j'ai payé le prix du silence, je me blesse et je recommence. Legend, c'est la suite et c'est dans un instant sur Énergie. Tout à l'heure, on a à vous offrir. Alors, il y a pas mal de cadeaux, hein, de le jeu FIFA 2017. D'ailleurs, si vous voulez le gagner, vous envoyez jeu par SMS au 78 et vous aurez l'occasion peut-être de le gagner. On aura de la compile à vous offrir, l'ordinateur portable Asus UX305 et puis Énergie paye votre cote pendant un an. Ça, c'est tous les cadeaux qu'on a à vous offrir. La suite des hits, c'est évidemment dans un instant. Je viens de le dire avec Sound of Legend. Et justement, puisqu'on parle de hits, j'ai envie de savoir vos hits préférés. Pour ma part, c'est Thriller, Michael Jackson. Ah oui, évidemment. Pour moi, c'est le hit de tous les temps. C'est vrai que c'est indémodable. Attends, déjà le clip dans ces années-là, t'imagines le truc. Et t'as vu que ça s'est jamais démodé, quoi. Il se lève, je croyais que t'allais faire le moonwalk. Il est comme un fou. Non, j'allais pas faire le moonwalk. Comment t'appelles ça? Le moonwalk. Le moonwalk. Moonwalk. Oui, bah oui, c'est ce que Michael Jackson faisait, le marcher en arrière. Oui. Non, non, de glisser par terre, là. D'accord. Bon, qu'est-ce que. Et alors, toi. Moi, c'est Bérénice. Enchantée. Moi, j'ai tellement de mal de choisir, il y en a tellement que j'aime, une que j'adore, c'est Boys to Men et Mariah Carey, One Sweet Day. D'accord. Pas mal. Et toi, Aurélie Laredac? Moi, c'est Metallica avec Nothing Else Matters. Ah, j'adore. Commandant? Moi, je suis plutôt One Do Project, moi. Je suis plutôt dans la dance. Dans la dance. Dans la dance. Dans la dance. Allez, la dance. On est la dance. Ah, c'est pas mal. Ah oui, c'est à l'ancienne, ça. C'est pas à l'ancienne. Si, justement, mais moi j'aime bien, je préfère les sons à l'ancienne, moi. Bien vu, commandant. Non, mais c'était pas un reproche, justement, pour moi c'est bien. Et c'était le tacle du commandant. Bah. Oui, il l'a mal pris, mais fallait pas mal le prendre. Mais non, il a pas mal pris, pas du tout. Ah non, je croyais. Bah non, il tacle gentiment. Oui, tu vas sortir du studio, toi, t'as tes règles encore. Oui. C'est ça. Bon, et vous alors, vos hits préférés, c'est quoi? Tiens, tu parlais de Jérém du Standard, c'est quoi toi? Moi, c'est Shania Twain. Oh, that don't impress of me much. J'adore aussi. T'aimes bien toi? J'adore. Et toi, Aurélie? J'adore. Ah, bon, on peut pas l'écouter, commandant. Allez, s'il te plaît. D'accord, vers quelle heure? Mais attends, laisse-moi au moins une bonne demi-heure. Ouais, bah écoute, ouais, d'accord. Tant que je le mette, d'accord. Une petite demi-heure alors. Top chrono. Petite demi-heure aussi. On sera dans les infos dans une demi-heure, ça. Bon, allez, sérieusement, on s'écoutera après le jeu de 5 mots. Ok, ça marche. Restez avec nous. Et puis, votre hit préféré à vous, c'est quoi? Vous nous le dites au 30-18 par SMS, c'est 25 centimes le message. 30-18 par SMS, 25 centimes le message. T'es là? Bah oui, je suis là. T'es là ou t'es pas là? Bah, je te dis que je suis là. T'es pas là? Bah, où t'étais? Rien compris du tout. Aux AP Assurance, nous comprenons que parfois, vous n'avez vraiment pas de bol. Oula, ça c'est le genre de route sur laquelle on espère qu'il n'arrivera rien. Eh ben, heureusement qu'il n'y a pas de loup ici, hein. Ouais, ça va, il est loin. Voilà pourquoi, en cas d'accident, vous pouvez nous joindre jour et nuit, même le week-end. Souscrivez une assurance auto des AP Assurance avant le 15 octobre et recevez 2 mois gratuits. Allez vite sur lap.be pour les conditions et infos. Les AP Assurance. Le jeu FIFA 17 a gagné dans quelques minutes dans le jeu des Leftos. Également, vous envoyez jeu par SMS au 78. Bonjour tout le monde, bon réveil. Il est 7h. Voici les titres à 7h avec Aurélie Adam. Bonjour Aurélie. Bonjour, aux mauvaises notes pour les Bruxellois. Ils sont souvent recalés au contrôle technique, près d'un sur quatre et écopent d'une carte rouge. Au sud du pays, on compte 17% de recalés. Shimon Peres est décédé. L'ancien président et premier ministre israélien s'est éteint à l'âge de 93 ans. Il avait été hospitalisé il y a 2 semaines pour un accident vasculaire cérébral. Enfin, en sport, en football, on a débuté hier la 2e journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Le FC Bruges s'est incliné 4-0 face à Copenhague. La météo. Un temps sec, ensoleillé au programme avec des températures de 18 degrés en Ardennes, 21 degrés à Namur, Charleroi et Ostende et 22 degrés à Mons, Bruxelles et Liège. Aussi résistantes au soleil qu'à la pluie, les fenêtres WIB se fichent de la météo. WIB.eu. Il y a toute l'équipe de fous qui vous accompagne jusqu'à 10h. Bérénice. Bonjour à tous. Le commandant. Bonjour. Aurélie Larédac. Bonjour. Jérôme Dustandard. Bonjour. Et Olivier Duroy. Bonjour. Et puis vous qui nous rejoignez de plus en plus nombreux, merci d'être là avec nous comme chaque jour. Il y a du cadeau à la clé dans un instant. Et puis on vous parle de vos hits préférés. Plutôt, on vous le demande au 3018 par SMS. Envoyez-nous le hit qui vous fait vibrer, qui vous fera vibrer toute votre vie, par exemple. Alors on va les chanter parce que, par exemple, on me dit Alexandrie, Alexandra. Alexandrie, Alexandra. Il y a Evanescence de Immortal, c'est Christine qui adore ça. Eh ben vas-y, chante là. Non. Les sirènes. Non. Tiens, il y a par exemple Mylène Farmer et Seal, les mots. Ça donne quoi ça? C'était. Ouais, super. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Premier jour de Louane. Ah, jour 1, ouais. Année numéro 1, c'est la main. Ah, c'était pas une bonne idée. Ils ont annoncé quoi comme météo? Il y a The Scientist de Coldplay. J'adore, c'est Lilin qui dit ça. Ah oui, moi il y a Richard Cochiente, il y a quelqu'un qui dit ça. Oui, c'est Emmanuel qui dit le coup de soleil. J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Voilà. Bon, c'est quoi votre hit préféré, justement? Enfin, votre hit de tous les temps, 3018 par SMS, on va en parler dans quelques minutes. C'est peut-être Drake qu'on écoute tout de suite sur Énergie. Merci d'être là. 3018 par SMS, c'est 25 centimes le message seulement. Vous pouvez. I don't know how to talk to you. I don't know how to ask you if you're okay. My friends always feel the need to tell me things. Seems like they're just happier than us these days. Yeah. These days I don't know how to talk to you. I don't know how to be there when you need me. It feels like the only time you'll see me is when you turn your head to the side and look at me differently. Yeah. And last night, I think I lost my patience. Last night, I got high as the expectations. Last night, I came to a realization. And I hope you can take it. I hope you can take it all. I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. No, I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. I don't know how to talk to you. I just know I find myself getting lost with you. Lately you just made me work too hard for you. Got me on flights overseas and I still can't get across to you. And last night you can take it. I hope you can.